pasteur Philippe de Bounia. Pastore Filippo Wakubunia. Vous a tous salué au nom de Jésus-Christ. Ari misalimia nini yote mujina wa Bwana Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous avons un mariage à célébrer. Leo tukuna ndoa ya kutolea. Naturellement, le jour du mariage, nous ne prêchons pas autre chose que sur le mariage. Kwa kawaida, wakati kuku ndoa, atuubiri yule abitu bingine isipokuwa paka yule ya ndoa. Mose m'a demandé de faire, de parler en bref, surtout l'enseignement que nous avons déjà suivi jusqu'à ce jour. Mzee aliniomba nipate kusema kwa ufupi mu mafundisho yote tulifuata kufika na leo. Mais comme la journée est très surchargée. Sawa vile siku ya leo kuna mambo mingi ya kufanya. Je ne saurais pas le faire. Sitawezi kamwe kurudiria mu yote. Je réponds à 4 questions qui m'ont été posées. Minta jibia tu kumaulizo ine ile waliniuliza. Et je vais laisser la place au pasteur qui va consacrer le mariage. Na mitamwachia fazi pastori ule atatolea hii ndoa kwa Mungu. Et s'il y a des questions. Kama kukumaulizo qui traîne encore dans les cœurs des frères et des sœurs. Il ingariki umioyo ya banduku na badada. Je vous demanderai de les amener. Tamiomba mupate kunitumia yo. Nous allons consacrer soit une semaine ou quelques jours pour nous répondre. Tutachugua wala juma mzima wala masiku kidogo juu ya kujibia kwa ile maulizo. Avant que je ne prenne mon repos. Mbele ya mimi kupumzika. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Ceux qui ont des questions. Benyu kwa na maulizo. Peuvent déjà les amener. Wanaweza kuiandika na kuituma. Si tout ce que nous avons dit sur l'enseignement de 70 semaines de Daniel. Yulu ya ile yote tulifundisha yulu ya majuma makumi saba Danieli. Afin de répondre. Ili nipate kuijibia. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Notre Père céleste. Baba wetu wa kumbingu. Ce matin, nous avons des cœurs remplis de gratitude à ton égard. Asubuhi ya leo mioyo yetu na yala na shukrani mbele yako. Pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dans les hôpitaux. Il y a les autres qui nous ont précédés. Les autres sont dans des difficultés. Et ils ne savent même pas d'où leur viendra la consolation, la réponse. Mais si nous sommes ici dans ce lieu pour t'adorer, alakini et kama, ta parole, kama tukupaifazi jua kwa budu na kusikiliza neno lako, nous comprenons seulement que c'est par ta grâce. Tunaelewa tu ya kwamba, hii ni kwa neema. Viens Seigneur Jésus Christ. Ukuje Bwana Yesu Kristo. Comme tu as déjà payé notre prix du rachat au bas du calvaire. Vile onesha kulipa bei ya ukombozi yetu kumsalaba. Nous avons besoin de ta grâce encore. Tunahitaji tena neema yako. Assiste-nous Seigneur. Utusaidie Bwana. Nous sommes une génération mourante. Tuku kizazi kenye kufa. Mais que le sang de Jésus Christ. Alakini damu ya Yesu Kristo. Nous sanctifie complètement. Itutakase kabisa kabisa. Et que le Saint-Esprit nous donne la vie. Na Roho Mtakatifu atupatie buzima. Bénis chaque frère et chaque sœur. Ubariki kila ndugu na kila dada. Bénis les couples qui sera consacré aujourd'hui. Ubariki ndoa tutatolea leo kwako. Bénis les deux familles. Ubariki majama mbili. Et nous te recommandons toutes choses entre ta main. Na tunakuachia vitu vyote mikono yako. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Ta promesse est véritable. Malako yako ni ya kweli. Tu as dit que là où s'assemblent deux ou trois en ton nom, toi tu seras au milieu de nous. Pale peko bawili wala watatu mujina lako utakuwa katikati yao. L'homme le plus important au milieu de nous. Wenjo mtu wa kabaila katikati yetu. Viens, Seigneur Jésus Christ. Ukuje Bwana Yesu Kristo. Et accomplis ta promesse. Na utimize malako yako. Merci Père. Asanti Baba. Du début à la fin. Mwanjo na mwisho. Sois glorifié. Utukuzwe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Daniel au chapitre 9. Mu Danieli sura yake ya 9. Daniel au chapitre 9. Danieli sura ya kenda. Dans son verset 23. Mustari ya makumi mbili na tatu. Nous lisons. Tukunasoma. Lorsque tu as commencé à prier, wakati ile ulianza kuomba, la parole est sortie. Neno moja ilitoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na mina kuja nini kutangazie yo. Car tu es un bien-aimé. Kwani wewe ni mpendwa. Sois attentif à la parole. Upate kuteka sikio kuneno. Et comprends la vision. Na uelewe ono. Vous pouvez asseoir. Munaweza kuikala. L'ange a dit à Daniel, l'ange Gabriel a dit à Daniel, Malaika Gabrieli alimwambia Danieli, que pour comprendre la vision qui t'a été donnée, ya kwamba pa kuelewa ile ono ulipewa, sois attentif à la parole. Upate kuteka sikio kuneno. C'est alors Njopale que tu comprendras la vision. Njopale utaelewa ono. Je crois que c'est ça la plus grande difficulté de beaucoup d'hommes. Nawazia kwamba hii ndio magumu sana kwa watu mingi. Lorsque ils lisent la parole de Dieu, wakati ile wako nasoma neno la Mungu, ils lisent les visions de la parole de Dieu, wanasoma maono ya neno la Mungu, ils sont incapables de comprendre cela. Hawana na uwezo ya kuielewa. Parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole écrite. Kwani abateke sikio kuneno yenye kuandikwa. Une vision. Oh non. Un songe. Nandoto. Qui est contraire à la Bible. Yenye kwa kinyume na Biblia. Elle est fausse. Ni abongo. Une prophétie. Matabiri wala. Qui s'oppose aux saintes écritures, yenye kupinganisha na maandiko takatifu, elle n'est pas vraie, aina ya kweli, elle vient du diable, inatokea kwa shetani. Si aujourd'hui beaucoup d'églises sont dans la confusion, kama leo hii makanisa mingi ukatika mvuruko, beaucoup de prédicateurs sont dans la confusion, mahubiri ba mingi weko mvuruko, et ils mettent de la confusion dans les croyants. Banaweka tena mufuruko mbaminifu. C'est parce qu'ils ne considèrent pas. Kwani abangalishishe. Ce que déclarent les saintes écritures. Ile maandiko takatifu iko nasema. La prophétie ne peut pas être au-dessus de l'église de la parole. Matabiri ya eskwa yulu ya neno la Mungu. Un parler en langue ne peut pas être au-dessus de la parole. Usema muruga hayezi kushindia neno la Mungu. Une vision ne peut pas être au-dessus de la parole. Ono hayezi kwa yulu ya neno la Mungu. Une philosophie ne peut pas être au-dessus de la parole. Mafikiri ya watu hayezi kwa yulu ya neno la Mungu. Pour les chrétiens, kwa waaminifu, c'est la Bible. Ni paka Biblia. Ce sont les saintes écritures. Ni maandiko takatifu. Qui sont l'urim et tumim. Yonjo iko urim na tumim. C'est vrai. Ni kweli. Un homme peut raconter ce qu'il veut. Mutu anawezi kuadisia ile anapenda kusema. Il peut raconter la vision de son cœur. Anawezi kutangaza ono ya moyo wake. Il peut prophétiser comme du matin au soir. Anawezi kutabiri asubuhi na magharibi. Mais si ce qu'il prophétise, kama ile kuna tabiri ile, ce qu'il enseigne, ile anafundisha, ce qu'il explique, ile anafasilia, n'est pas conforme à la Bible, kama yambatani na Biblia, c'est Satan, ule ni shetani, c'est faux, ni vya bongo, c'est la sème, la mort, ile kunaleta lufu, et la confusion, na inaleta mvuruko. Que le Seigneur vous bénisse. Wana Mungu amibariki. Je prends la première question pour un peu aller plus vite. Nachugua ulizo ya kwanza ja kwenda haraka. Comme on a deux services. Ça vile tukuna ma kazi. Bonjour pasteur. Amujambo pastori. En lisant Frère Branham, je comprends que Jésus-Christ est mort après 3 ans et demi de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Arikufa miaka tatu na miezi sita ya mujuma ya mwisho ya makumi saba ya majuma ya Danieli. Jésus-Christ est mort après. Yesu Kristo arikufa kisha. Les 3 ans et demi. Ile miaka tatu na miezi sita. De la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Ya kujuma ya mwisho kumajuma makumi saba ya Danieli. Et qu'il reste que 3 ans et demi pour le salut d'Israël jusqu'au millénium. Ai-je bien compris? Pouvez-vous m'éclaircir là-dessus? Que Dieu bénisse le frère ou la sœur. Nous vous avons fait ce tableau, si on peut projeter cela. Nous vous avons fait ce tableau, c'est pour que vous ayez l'idée de l'accomplissement des 70 semaines de Daniel, dont l'ange Gabriel avait expliqué à Daniel. Awazo wala kuona kuzuri kwa kutimilika kwa watu wa Mungu ile malaika alifasilia le millennium et l'éternité. Na tulimefasilia utawala wa miaka elfu na umilele. De telle manière lorsque nous prenons les versets bibliques, namna kusema wakati tunachukua ma sura ya Biblia, que dans votre esprit là mule, vous ayez la ligne de temps, na wakati vile natembea, la ligne mustari ya wakati, la ligne de temps wala ubao ya wakati, là vous pouvez vous situer à quelle époque nous sommes, na munawezi kutambua tunafikia wapi. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas la parole prophétique, elle est difficile pour plusieurs batu mingi abasomake neno ya unabii juu ku nguvu kwa watu mingi. Et pour répondre à la question du frère ou de la sœur, je dis ceci, ce que vous avez là, c'est une très mauvaise compréhension des déclarations de Frère Branham. Ile ukunayo ile ni kuelewa kubaya kwa msemeo ya ndugu Branham. Ou des saintes écritures. Voilà, msemeo wa maandiko takatifu. Comprendre que uelewa ya kwamba la mort de Jésus-Christ est intervenue 3 ans et demi kifo kya Yesu Kristo kilifanika après 3 ans et demi kisha miaka tatu na miezi sita de la dernière semaine de Daniel ya kujuma ile ya mwisho majuma makumi saba ya Danieli est une grande confusion. Il est ni mvuruko munene. Ça n'existe pas dans les saintes écritures. Abinamo mumandiko takatifu. Non bien-aimé frère. Apana ndoku mpendwa. Non bien-aimé sœur. Apana dada mpendwa. Dans Daniel au chapitre 9 dans le verset 24 sur lequel nous avons beaucoup insisté. Mu Danieli sura 9 mstari 24 pale tuweka mkazo zaidi. L'ange Gabriel était clair et précis. Malaika Gabriel alikuwa wazi. Il dit à Daniel, anamwambia Danieli, 70 semaines, majuma makumi saba, ont été fixés sur ton peuple, waliweka yulu ya taifa yako, ta ville sainte, na yulu ya mji yako takatifu. Donc c'est sur les Juifs, manake ni yulu ya Bayuda, et sur Jérusalem, na yulu ya Yerusalema. Regarde dans le verset 25. Tazame mstari makumi mbili na tano. Sache-le donc, uijue basi, et comprends, na uelewe. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, tangia wakati ile neno ilitangaza ya kwamba Yerusalemu watayengulula, jusqu'au Messie, kufika au conducteur, kufika na kumasia na kufika kukupa kiongozi, 7 semaines, unakuwa majuma saba, et 62 semaines, na majuma makumi sita na mbili. Les places et les fossés seront rétablis. Mabiwanza na mashimo bataitengeneza. Mais en des temps fâchés. Alakati mwakati mbaya. Le verset 26. Makumbiri na sita. Après les 62 semaines. Kisha majuma makumi sita na mbili. Le Messie sera retranché. Masia atakufa. Et n'aura pas de successeur. Na asta kuwa kamwe na wakumkombola. Reprojeter la lune des temps. Enlever l'écriture, projeter la lune des temps. Ndoshe mandiko weke yubao ya wakati. Les 70 semaines de Daniel, majuma makumi sita na mbili ya Danieli, sont répartis en trois parties. Banaigawanya vipande tatu. Il y a la première partie, comme vous le voyez sur l'écran, de 7 semaines. Ya majuma saba. Les 7 semaines majuma saba ile commencent à partir inanzia de l'ordre pale pa agizo que le roi Atarzezes ile mufalme Atarzezes avait donné aletaka pour rebâtir ya kwenda kuyengulula la ville muji ya Yerusalema. Pas le temple. Apana ekalu. Nous vous avons déjà expliqué que le temple a été reconstruit avec Zorobabel et Josué dans la première expédition. Il ne faut pas confondre cela. Il y a la première partie de cette semaine qui fait exactement 49 ans. Il est nafanya kabisa miaka makumi ine na kenda. Le 49 ans. Miaka makumi ine na kenda. Et les 49 ans étaient suffisants. Il est néana pour la reconstruction du temple. Tu vas pas te kuyengulula ekalu. Et nous vous avons expliqué pourquoi les Juifs ont dit à Jésus, il a fallu 46 ans pour la construction de ce temple. Et toi dans 3 jours tu dis que tu vas les relever. Nous vous avons montré qu'il y a eu 3 ans et demi de la guerre. Gardez la ligne du temps sur l'écran. Ne fixez pas la caméra vers moi, fixez la caméra vers la ligne de temps. Jusqu'à ce que j'aurai terminé. Vous voyez, je reprends. Regardez là sur l'écran. Les anciens frères qui ont le schéma. La première semaine de 7 semaines. Juma ya kwanza ile kipande ya kwanza ya majuma 49 ans ya kuleta miaka 49 suffisent pour la construction du temple. Ili eneana juu ya kuyengulula kwa ekalu. Il y a eu 62 ans kulikuwa miaka 62 jusqu'à la mort du Messie. Kufika na kukufa kwa Masia. L'écriture ici dans Daniel chapitre 9 verset 6 dit clairement après les 62 semaines le Messie sera retranché, c'est-à-dire il sera mort, il sera crucifié. La Bible ne dit pas après 62 et demi. Non. Le Messie est retranché Masia, takufa, après 62 semaines. Nikisha, majuma, makumi sita na mbili. Donc les 62 semaines s'accomplissent exactement inatimilika kabisa à la mort mukufa de Jésus-Christ à la croix au Calvaire. Yesu Christo kumusalaba ya Calvario. Quand nous prenons les 7 semaines et les 62 semaines, ça fait 69. Vous voyez, le Messie en d'autres termes devait mourir après 69 ans et 69 semaines. Les 69. Les 69 semaines. Majuma makumi sita na kenda. Vous voyez. Munaona. De Daniel. Ya Danieli. Et les 69 semaines. Na majuma makumi sita na font kenda. 483. 69 fois 7. Ah. Parce que ce sont des semaines, des jours prophétiques, des semaines prophétiques. Wani ni majuma ya unabi. Vous voyez. Munaona. Il n'y a dans la Bible aucun verset qui dit que Jésus-Christ sera crucifié après 62 ans et 69 semaines et demie. Kisha majuma magumi sita na tisa na kipande hapana. Ou voilà. 69 et demi. Voilà, majuma magumi sita na tisa na kipande hapana na nusu. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Après bougez votre ligne de temps. Après la mort de Jésus-Christ. Kisha kufa kwa Yesu Kristo. Comme nous l'avons expliqué. Paka vile turi fasilia. Israël rejeta son Messie. Israël a mukata masia wake. Parce qu'il fut aveuglé. Kwani alipofushwa. Et le salut. Na wokovu. Est allé vers les juifs, les nations. Alienda sasa kwa batu ya mataifa. Et pendant sept âges de l'Église. Na kadiri ya vizazi saba ya kanisa. Dieu traite avec les nations pour leur salut. Mungu anatumika na watu wa mataifa. Et le temps des nations. Na wakati ya mataifa. Ou les sept âges de l'Église. Wana vizazi saba kanisa. Termine avec l'enlèvement de l'épouse. C'est lorsque l'épouse des nations est enlevée et la dernière semaine qui est restée aux 69 semaines maintenant va commencer. C'est pourquoi au verset 27 il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Atasimamisha sadaka na toleo. Et vous remarquez mnaona que après que Christ est mort ya kwamba kisha Kristo kufa pour Israël kwa ajili ya Israeli, il ne reste que une semaine. Unabakiria tu ni juma moya. C'est-à-dire 7 ans. Manake miaka saba. Vous voyez mnaona. Il ne reste pas 3 ans et demi. Non. Si vous comprenez, vous avez compris ça. C'est parce que vous n'avez pas considéré les Écritures. Quand l'épouse va dans l'enlèvement, les sept-uns de l'Église entrent en action. À la fin de cet âge de l'Église, c'est alors que la dernière semaine qui avait été interrompue à la mort du Messie comprendra et commencera. Vous voyez, c'est pourquoi l'Antéchrist fait une alliance pour une semaine et après une semaine et donc et au milieu de la semaine il va briser l'alliance avec Israël. Donc si Jésus-Christ selon votre compréhension a prêché. Il est mort après 62 semaines. Et 3 ans. Na miaka tatu. Et 3 ans et demi. Miaka tatu na nusu. Non, vous avez mal compris. Apana urielewa mbaya. Il n'y a pas une écriture qui prouve cela. Hakuna andiko ile inahakikisha ile. Maintenant, je dirais ceci aux frères ou à la sœur. Frère Branham n'est pas un prédicateur comme toi et moi. Frère Branham est un prophète. Les prophètes reçoivent la révélation de Dieu en bloc. Quand la révélation vient au prophète, c'est en bloc. Wakati ufunuo inamuelekea nabii inakuya katika wingi. C'est pourquoi Dieu Mungu a donné le ministère d'enseignement. Arleta mautumishi ya mwalimu. C'est pour mettre chaque chose selon les Écritures. Nitua kuweka kila kitu kufuatana na maandiko, kupanga kila kitu kufuatana na maandiko. L'église est avec moi. Eti kanisa nafata. Le ministère des docteurs mautumishi ya mwalimu est donné par Dieu, c'est pour prendre la révélation que Dieu a donnée au prophète en bloc et prendre chaque chose et la mettre à sa place pour que tout le monde comprenne que la révélation vient de la Bible. Un prophète biblique prêche selon la Bible. Il ne reçoit pas de révélation comme ça, comme nous voyons des faux prophètes qui disent n'importe quoi. Non, bien aimé frère. C'est pourquoi le ministère d'enseignement ou de docteur est très très très important après que le ministère prophétique ait accompli son travail pour mettre de l'ordre et placer chaque chose à sa place afin que le peuple de Dieu ne soit plus dans la confusion. L'église est avec moi. Donc, vous avez compris mal, frère ou sœur. Le Messie est retranché après les 62 semaines. Masia eko na tosheka kisha majuma makumi sita na mbili tu. Et non après les 62 semaines et demi. Apana kisha majuma makumi sita na nusu apana. Cela contredirait la Bible. Ile itakombanisha Biblia. Dans Daniel 9 au verset 26. Daniel sura 9 musara makumi mbili na sita. Deuxième question. Ulizo ya pili. Pasteur, Pastori, est-ce que tous les Juifs eti, bayuda bote, qui rentrent en Israël aujourd'hui vale veko narudia leo mu Israeli, seront-ils sauvés eti bote, bataokolewa? Je réponds à la question. Nikuna jibu. Non frère, apana nduku. Non ma soeur, apana dada yangu. Tous les Juifs bayuda bote, qui rentrent même aujourd'hui en Israël vale veko narudia ta leo mu Israeli, ne seront pas sauvés bote, bataokolewa? C'est uniquement les élus, bateule, les prédestinés qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui seront sauvés parmi cette nation d'Israélite. C'est ces élus que la Bible appelle les restes. Jésus-Christ reviendra en Israël après le départ de l'épouse. Il y aura beaucoup de Juifs qui ne le croiront pas. Ils ne se repentiront pas. Et ils ne seront pas sauvés. C'est comme quelqu'un qui pense que tous les gens qui sont dans les églises seront sauvés. C'est une séduction. C'est un enseignement de l'Antichrist. C'est comme quelqu'un ici au tabernacle qui pense que, ou qui croit que tous les gens qui entrent au tabernacle seront enlevés. C'est une séduction. C'est une folie. Tout le monde qui est ici ne sera pas enlevé. Tous les gens qui vont dans les églises ne seront pas sauvés. Ceux qui seront enlevés, c'est seulement les élus. Ceux qui seront sauvés, c'est seulement ceux qui ont été prédestinés au salut. C'est pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, vous suivez la prédication, soyez attentifs. Voyez bien mes frères. Donc pour les Juifs, tous les Juifs ne seront pas sauvés. Il n'y a que les 144,000 qui sont élus et prédestinés, qui reconnaîtront Jésus-Christ, qui naîtront de nouveau, qui seront baptisés du Saint-Esprit, c'est eux qui seront sauvés. Les gens pensent que quand on parle des Juifs, on parle de Jérusalem. Tout le monde est saint. Non, moi j'étais à Jérusalem. J'ai sillonné tout Israël. Mais il y a des païens de tout bord. Il y a des femmes en pantalon, des femmes maquillées. Il y a des femmes qui portent des cinglés. Il y a des adultères. Il y a même des homosexuels en Israël. Et vous devait différencier avec la race élue d'Abraham. Ça, c'est autre chose. Vous voyez bien, mes frères. Le pays d'Israël renferme beaucoup de gens. Il y a même ceux qui rentrent, qui ne sont pas de la lignée d'Abraham. Voyez, la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 10, dans son verset 22. Musari amakumi mbili na mbili. La Bible dit. Biblia anasema. Nous pouvons commencer au verset 20. En ce jour-là, les restes d'Israël et le rescapé de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra. Mabaki itakuja. Le reste de Jacob. Mabaki ya Jacob. Au Dieu puissant. Wa Mungu wa uwezo wote. Quand ton peuple, ô Israël, wakati taifa yako Israël, sera comme le sable de la mer, itakuwa sawa mchanga wa bahari. Le reste seulement reviendra. Ni paka tu mabaki tu ndio itarudia. Un reste seulement. Mabaki tu kidogo. Ah, reviendra. Ndio itarudia. Pas tout le monde. Dans Romains au chapitre 11. Dans son verset 5. De même aussi dans le temps présent. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Ce sont des élus. Pas tout le monde. Ce reste-là est élu. Vous voyez, c'est ce reste-là qui sera sauvé. C'est pourquoi, dans Apocalypse chapitre 17, chapitre 7, dans son verset 4 à 8, on montre les gens qui seront sauvés. Comme nous l'avons expliqué dans les jours passés. Ce n'est pas comme les témoins de Jéhovah mentent les gens. Ils disent non, c'est Israël spirituel. Ils disent que ceux qui seront sauvés, c'est Israël spirituel. C'est un mensonge. Ce sont les gens qui ne comprennent pas les Écritures. L'Écriture dit ceci. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqué du sceau. 12 000 fois 12 tribus, ça donne les 144 000. Il n'est pas écrit de la tribu de Balouba, de la tribu de Kachokwe, tribu Sanga, 12 000. C'est la confusion. Il est Nemovoroko. Ceux qui seront sauvés. Boaba jobale bataokolewa. C'est seulement les élus. Ni paka bateule. Comme aussi Parmi tous ceux qui croient le message de Frère Branham, il n'y a que l'épouse. Pas de gens qui croient que Jésus, Frère Branham est Dieu. Il croit que Jésus est déjà venu. Ils sont déjà enlevés, ils sont dans le millénium. Ils sont des confusionnistes. Troisième question. Ulizo ya tatu. Les vierges folles. Babikira bumbafu. Seront-ils sauvés pendant la tribulation? Eti bataokolewa mwili wakati ya mateso makubwa? Non mon frère, non ma sœur. Je réponds la question. Apana duku, les vierges folles. Babikira bumbafu. Sont sauvés maintenant. Deko naokolewa ni hapa sasa. Pendant que l'évangile est apporté chez les nations. Wakati ile injili beko na yubiri kubatu ya mataifa. Et na les vierges folles seront révélées ou vont se révéler. C'est après le départ de l'épouse. Kwa bibi arusi. Et elles mourront comme martyrs. Na batakufa saba benye kufuia injili. Vous voyez. Munaona. La tribulation ne sauvera personne. Mateso makubwa haita okoa mtu hata moja. Non. Hapana. Quand l'épouse part, wakati bibi harusi yeye anaenda, l'évangile retourne chez les Juifs. Injili inarudia kwa Yuda. Il n'y aura personne chez les nations qui va apporter la parole du salut. Akuta kwa mtu pa mataifa kuhubiri tena neno ya kuokola bantu. Parce que la grâce de Dieu, kwani neema ya Mungu, sera complètement finie du côté des nations. Itakuwa nesha malizika kabisa kabisa kungambo ya mataifa. Mais ceux qui doivent être sauvés, wale wanapashi kuokolewa, ils le sont maintenant. Beko naokolewa ni hapa sasa. Et si vous remarquez, mukiangalishisha, dans Matthieu au chapitre 25, verset 1 à 5, Matayo makumbiri na tano, les vierges folles attendaient aussi le retour de l'époux. Nabo balikuwa nongoja kurudi kwa bwana harusi. Elles ont manqué de le recevoir parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Et pourtant, elles sont saintes. Elles menaient une vie juste. Elles menaient une vie droite. C'est pourquoi nous vous disons, la nouvelle naissance et mener une vie sanctifiée ne suffit pas pour aller dans l'enlèvement. Tu peux être un véritable ou une véritable fille de Dieu. Réellement né de nouveau. Maintenant une vie sanctifiée. Ne vivant pas. Ne commettant pas d'adultère. N'allant pas chez les devins. Ne se prostituant pas. Mais aussi longtemps que vous négligez de recevoir le Saint-Esprit, tu vas rater l'enlèvement et tu vas passer dans la tribulation pour être purifié. Vous voyez, ceux qui reçoivent une complète, une totale délivrance, c'est ceux qui arrivent au baptême du Saint-Esprit. La rédemption complète s'accomplit dans le baptême du Saint, avec le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, tu es un fils de Dieu, mais un enfant. La sanctification, tu es dans la croissance. Mais Jésus-Christ, lui, vient chercher les hommes adultes. L'enlèvement est pour les hommes adultes, les gens qui sont scellés du Saint-Esprit, pas pour les enfants. Si vous ratez l'enlèvement, après que tu sois né de nouveau, vous voyez, à ce moment-là, on ne sait pas déterminer votre sort, ou soit tu es seulement un appelé, ou soit tu es une vierge folle. Maintenant, si tu restes avec la nouvelle naissance, au temps de la tribulation, et on vous tue. C'est fini. Kunaisha. Vous voyez. Bunaona. Vous aurez la vie éternelle. Mais vous ne serez pas enlevé. Donc les vierges folles ne seront pas sauvées pendant la tribulation. Elles sont sauvées maintenant pendant que l'évangile est apporté. Mais elles seront révélées après le départ de l'épouse et mourront comme martyrs. Quatrième question. Pasteur, quelque part dans la Bible, il est parlé banasema, de trois jours pour Israël. Ya kwamba masiku tatu kwa ajili ya Israël. Ces trois jours ile masiku tatu ile, sont-ils les 70 semaines de Daniel pour son salut? Eti njo majuma makumi saba ya Danieli juu ya kukolewa kwa Israeli? Non. Hapana. Dans Osée au chapitre 6. Osée sura ya sita. Les 70 semaines de Daniel. Majuma makumi saba ya Danieli. Expose le plan entier du salut d'Israël. Ikunaonesha mapu yote ya okovu ya Israeli. Mais les trois jours. Alakini masiku tatu. Dont Osée est en train de parler, révèle les 2000 ans pendant lesquels Israël fut dispersé dans le monde entier. Lisons d'abord l'Écriture. Osée chapitre 6. Osée sura sita. Dans son verset 1 à 2, Mustaria kwanza na ya pili. Venez, retournons à l'Éternel. Kujeni na tumurudirie wa milele. Car il a déchiré, kwani alipasula. Mais il nous guérira. Alakini atatutunza. Il a frappé, alipika. Mais il bandera nos plaies. Alakini atafunga vidonda vyetu. Il nous rendra la vie dans deux jours. Ataturudisha buzima mu masiku mbili. Et le troisième jour, na siku ya tatu, il nous relèvera. Atatuamusha. Et nous vivrons devant lui. Na tutaishi mbele yake. Les deux jours, i masiku mbili, sont les 2000 ans nima miaka elfu mbili pendant lesquels Israël fut dispersé. Kadiri ya ile Israeli alizambarishwa. Et j'ai beaucoup d'écritures sur la dispersion, mais je ne saurais pas les lire. Nikuna maandiko mingi yule ya kuzambarishwa kwa Israeli sitaweza kuisoma. Vous pouvez prendre ça comme note. Munaweza kuiandika. Jérémie 31. Yeremia sura makumi tatu na moja. Verset 10 à 12. Mstari ya 10 kufika na 12. Deutéronome 28. Kumbukumbu la Torati makumi mbili na mnane. Verset 64 à 67. Mstari makumi sita na ine kufika na makumi sita na saba. Jérémie 9. Yeremia sura 9. Verset 16. Mstari ya 16. Jérémie 24. Yeremia sura makumi mbili na ine. Verset 9. Mstari ya 9. Jérémie 29. Yeremia makumi mbili na tisa. Verset 18. Mustari ya 18. Ézéchiel 4. Ézéchiel sura 4. Verset 13. Mustari ya 13. Je prends seulement un guide de témoignage. Nina ichugua tu kwa ajili ya ushuda. Jérémie 31. Yeremia makumi tatu na moja. Dans son verset 10. Mustari yake ya 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Nini mataifa, musikie neno ya wa milele. Et publiez-la dans les îles lointaines. Namuitangaze mama bisanga ya Dites, c'est lui qui a dispersé. Israël le rassemblera. Museme, Et il les gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Si vous lisez Jérémie 30, là il est longuement parlé de la dispersion et du retour d'Israël. Osée chapitre 6 verset 1 Osée sita musari ya kwanza parle na yanasemea de la dispersion d'Israël kwa ajili ya kusambarishwa kwa Israeli pendant les 2000 ans qui représentent deux jours kadri ya miaka 2000 yenye kuonekanishwa masiku mbili depuis 1948 tangia 1948 Israël a bourgeonné. Israël a richipuka. Israël est devenu un État souverain indépendant. Israël est quoi ça, sa taïfa yeni kwa na utawala na kwenye. Israël est rentré dans son pays. Israël anarudia mwinchi yake. Les Juifs sont rentrés dans leur pays. Wayuda wanarudia mwinchi yabo. Selon Luc au chapitre 21. Fatana na Luka sura makumi mbili na moja. Verset 29 à 30. Mustari makumi mbili na tisa kufika makumi tatu. Les Juifs retournent. Wayuda wako narudia. C'est pour aller attendre leur Messie. Ijua kongoja masia wabo. Vous voyez, Munaona, celui qu'ils avaient rejeté. Uleyeye balikatalaka. Mais le troisième jour, alakini siku ya tatu, pour Israël, wa Israeli, va commencer après l'enlèvement de l'épouse des nations. Itaanza nikisha kunyanyuliwa kwa bibi harusi wa mataifa. C'est à ce moment-là, jomo ile wakati, qu'Israël recevra la vie. Israël atapokea buzima. Après qu'ils aient reconnu leur Messie qu'ils avaient rejeté. Kisha bao kumtambua masia wabo le barikatalaka. Après leur repentance. Kisha kutubu kwabo. Et après. Na kisha. Que Jésus-Christ. Kisha Yesu Christo. Se soit révélé à eux. Ujifunua kwabo. Sur la montagne de Sion. Pa mulima ya Sayuni. Comme l'avons montré, si la ligne là, vile tulionesha, c'est au milieu de la semaine. Mwile kistari ya, au milieu de la semaine, manake ni katikati ya juma, c'est là où Christ va se révéler à Israël. Jom, mwile Christ atajifunua kwa Israeli. Les 144,000 vont reconnaître leur Messie, ils se repentiront. Après leur repentance, ils seront pardonnés. Ils naîtront de nouveau. Et ils recevront le Saint-Esprit. Et Dieu oubliera complètement leur péché, leur transgression, leur iniquité. Kufunja kwao kwa sheria uovu wabo. Et après cela, kisha ile, ils seront tués, watauawa, comme martyrs, et ils vont ressusciter, na watafufuka, à la fin kumwisho de la semaine, ya juma, au début, kumwanjo, à la fin de la semaine, kumwisho ya juma, de la 70e semaine de Daniel, ya ile majuma makumi saba ya Danieli, et avant le début, na ni mbele ya kwanza kwa utawala wa miaka elfu. Là où il y aura le jugement des nations. Kule ndio kutakuwa hukumu ya ba mataifa. Et là, nous en tant qu'épouse, kule sisi sawa bibi harusi, nous descendrons, tutashuka de noces, kutoka ukaramu wa mwana kondoo. Nous viendrons maintenant, sasa tutakuja, pour s'asseoir avec Christ sur des trônes, ikala pamoja na Kristo pa bicha enzi, afin de juger tous ces hommes et toutes ces femmes, ili tupate kuhukumu wa baba na mke na wanaume, et toutes ces nations, na ba mataifa bote, qui ont rejeté, bari bari kata, la grâce de Dieu. Neema ya Mungu. C'est ça les trois jours dont on parle. Qui sont inclus dans les 70 semaines de Daniel. Là où est exposé le plan complet du salut à Israël. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un cantique, c'est fini. J'ai terminé mes quatre questions. Mina uliza, na maliza maulizo yangu. Les autres questions, maulizo engine, écrivez-les. Munitumie yo. Alors vous allez me décharger. Allez, ndio mtanipunguza uzito. Je vais répondre à ces questions-là. Tajibia kwa ile maulizo. Et on va inviter maintenant les évangélistes pour venir nous secouer. Na ndio tutalika bapashawari njema bapate kuja kutupikiza. Mungu amibariki. Nous allons chanter un cantique. Tutaimba wimbo moja. Alors, Nakisha, on va écouter la parole. Jésus-Christ est le roi des rois, quand même. Chante le roi des rois. Jésus-Christ est le roi des rois. Mouimbe, Jésus-Christ, ni mufalme wa mufalme. On va écouter la parole. Tumutukuze Bwana, Nakisha atasikia neno la Mungu.